1er mars 2014, c'est l'heure du grain de sable. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable. Mon nom est Michel Monette, je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Cette semaine, je m'entretiens avec Philippe Hurteau de l'IRIS à propos des dépenses en sécurité du gouvernement Harper. De ton côté, Maxime David, tu vas nous parler de Nantes, c'est ça? Oui. J'ai bien hâte de voir, il se passe des choses quand même là-bas. Disons que ça bouge. Oui, pas mal. Ça a brassé surtout en fin de semaine dernière. Là. Bon, alors on va voir ça tantôt après l'entrevue avec Philippe Hurteau. Bon. Ensuite, on va aborder en deuxième partie d'émission la situation en Ukraine avec Cédric Leterme. Cédric Leterme qui est notre correspondant à l'étranger. Cédric est en Belgique. Et enfin, Michael Lessard va présenter l'agenda des activités de la semaine. J'ai oublié de vous mentionner, il se pourrait qu'à l'occasion d'aller Maxime ou peut-être éventuellement Michael prenne la parole pendant l'émission, on va essayer de faire ça plus interactif. Je vais vous mettre un court extrait musical, le temps d'avoir Philippe Hurteau au bout du fil. À tout de suite. Pour ceux qui se demanderaient quelle est la musique, c'est Mother de Knotted Sheets. Bonjour, Philippe Hurteau. Bonjour. Philippe Hurteau, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Vous allez nous parler des dépenses en sécurité du gouvernement conservateur. Peut-être dans un premier temps, nous rappeler ce qu'est l'IRIS, brièvement. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, désolé, je vous entends pas très bien. Oui. Mais on va discuter des dépenses sécuritaires au Canada. Vous savez, on a publié dernièrement à l'IRIS une note sur cette question. Oui. Une note assez simple, en fait. Hein, on s'est posé la question, est-ce que, parce que souvent on entend dans la foulée de la révolution Harper, des réformes conservatrices du gouvernement fédéral, qu'il y a une place de plus en plus importante attribuée aux questions de sécurité, aux questions de répression. On voulait voir un peu c'est quoi l'effet au niveau budgétaire. Donc, ce qu'on a fait, On a pris, bon, la Défense nationale, le service correctionnel, on a pris aussi le SCRS, hein, le Service canadien de renseignement de sécurité, hein, l'organisme qui fait un peu le renseignement et espionnage au Canada, et on a pris aussi la GRC pour essayer de voir l'évolution de leur budget depuis sur une période, oui, qui recoupe, disons, la période Harper, mais aussi avant, voir si c'est une tendance lourde dans l'évolution des dépenses sécuritaires au Canada, pas uniquement sous l'impulsion des conservateurs, mais disons, quelque chose de plus structurel dans l'organisation de l'État fédéral canadien. On se rend compte que depuis 16 ans, ben en fait, les dépenses sécuritaires ont augmenté deux fois plus rapidement que les autres dépenses du gouvernement fédéral. On parle, en fait, d'une augmentation de 56% en dollars constants, donc au-delà, encore plus rapide que l'inflation. On est passé, en fait, vraiment une augmentation qui va prendre 9,4 milliards de dollars juste pour l'augmentation des fonds dédiés aux dépenses sécuritaires, ce qui fait en sorte, en fait, aujourd'hui, que le gouvernement fédéral a cette surenchère de l'évolution des dépenses sécuritaires, fait en sorte que l'État fédéral se prive d'une marge de manœuvre à peu près équivalente à 4,5 milliards de dollars, une marge de manœuvre budgétaire. Hein. De manière assez simple d'arriver à ce résultat-là, c'est si les dépenses en sécurité avaient suivi les autres, le rythme d'évolution des autres dépenses de l'État fédéral, ben on dépenserait 4,5 milliards de moins pour la GRC, pour les prisons, pour l'armée, ce qui donnerait en fait aujourd'hui une marge de manœuvre intéressante pour le présent gouvernement pour faire des dépenses, disons, avec un autre type de priorité en tête. Merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Bon. En fait, je vous demandais dans un premier temps d'expliquer à nos auditeurs. Maintenant, on a un petit peu bien expliqué le portrait financier. Mais peut-être revenir un peu sur l'IRIS, parce que c'est pas tous nos auditeurs qui connaissent l'IRIS. Hein? Peut-être rapidement expliquer ce qu'est l'IRIS. Ah oui, ben simplement, hein, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, on est un groupe de recherche, un think tank, comme on appelle, progressiste, ancré à gauche. On a une mission assez simple. C'est de, par nos travaux de recherche, par nos travaux d'analyse, fournir, disons, une expertise alternative pour saisir les questions budgétaires, saisir les questions économiques, autrement que, ce que l'hégémonie ou la doxa libérale nous dit. Donc, en fait, de donner une alternative dans l'analyse économique des phénomènes économiques, une alternative de gauche, disons, à la mainmise des analyses plus ancré à droite, plus ancré, disons, dans la pensée dominante du néolibéralisme. Bon, revenons donc aux dépenses du gouvernement fédéral là, dans le domaine de la sécurité. Prenons d'abord l'armée. Pour vous, si j'ai bien compris, la mission traditionnelle de l'armée canadienne ne justifie pas un tel accroissement des dépenses. C'est ce que j'ai cru lire dans votre étude. Oui, mais en fait, c'est ça qui est intéressant de voir, hein, c'est que la croissance actuelle, juste on prend la croissance des dépenses militaires pour la défense nationale, on pense pendant les 16 dernières années une augmentation de 6,5 milliards de dollars du budget annuel de la défense nationale, donc une augmentation de près de 50% du budget de la défense nationale pendant la période qu'on a étudiée. Et un premier élément qu'on pourrait dire, ben, c'est simple, hein, c'est dû essentiellement à la présence canadienne en Afghanistan. Le Canada a quand même mené une guerre pendant plus de 10 ans, ce qui logiquement entraîne une augmentation de coûts. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que une bonne partie de l'augmentation des budgets alloués à la défense nationale ne sont pas directement liés à la présence canadienne en Afghanistan. C'est on aurait pu voir à partir de 2001, 2002, 2003 vraiment une explosion des fonds, des budgets de la défense. C'est plutôt à partir de 2006-2007 qu'on voit vraiment une augmentation des dépenses. C'est à partir de l'arrivée au pouvoir des conservateurs et de la mise en place d'un programme d'achat d'équipement, en fait, pour, oui, en partie renouveler le stock d'équipement de l'armée, mais surtout pour, disons, vraiment mettre en place une politique conservatrice de revalorisation du rôle du militaire dans l'État canadien, mais aussi du rôle du militaire dans l'infrastructure économique du Canada. Donc, on voit vraiment là, l'influence du militarisme du gouvernement actuel. Et pour me donner un peu une comparaison, si le Canada, traditionnellement, on s'est toujours un peu décrit comme un pays de sympathiques casques bleus, où est-ce que notre armée servait surtout pour les missions de paix, ben sur un budget annuel de 20 milliards pour la défense nationale, actuellement, uniquement 12 millions sont attribués pour les missions de casques bleus, ce qui nous place en termes d'importance dans les pays contributeurs aux missions de paix de l'ONU, quelque part entre la Slovaquie et le Burundi. Donc, plutôt, on est passé d'un leader international dans les missions de la paix à peu près, je pense, on se classe en 60e position actuellement. Vous avez calculé, vous l'avez mentionné, là, c'est quasiment un élément fort des politiques de développement industriel du gouvernement fédéral actuel, les dépenses de l'armée. Vous avez calculé la part des dépenses militaires dans l'ensemble de l'économie canadienne. Et là, vous avez peut-être même remonté à la guerre froide. Qu'est-ce que vous avez pu constater? Ben, on constate, en fait, deux choses. D'abord, effectivement, assez paradoxalement, pendant la décennie 2000, donc surtout à partir de 2005, 2006, 2007, jusqu'à 2000, en fait, jusqu'à la mise en place d'une politique d'atteindre le déficit zéro qui a mis quand même certaines coupures, même pour la défense nationale, qu'on dépensait au Canada plus d'argent dans notre armée qu'à n'importe quelle période depuis la fin de la guerre de Corée. C'est quand même assez incroyable à une époque où, du strict point de vue militaire, le Canada se retrouve un peu sans ennemis, sans menace militaire directe pour la sécurité nationale. On n'entrevoit pas de guerre interétatique qui impliquerait le Canada à court ou moyenne échéance et aucune menace non plus pour la sécurité des frontières. Mais aussi, si je peux me permettre, oui, le Canada intervient de moins en moins dans des missions de paix. Oui, c'est ça. En plus, donc, on voit vraiment une augmentation de la place et en termes de PIB. Ce qui est intéressant de voir, c'est si, oui, bon, de 90 à 2000, il y a eu une diminution des dépenses militaires dans l'économie canadienne. Mais à partir de 2000, on commençait à vraiment observer un accroissement de la place, vraiment, des investissements militaires par rapport au PIB. On est passé de 1... Les investissements qui représentaient 1,1% du PIB, on est passé à 1,5, 1,6. Hein, dit comme ça, ça paraît pas beaucoup, mais quand on pense en termes de PIB, on pense en termes de milliards, de dizaines de milliards de dollars. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça suit assez directement les recommandations des différentes associations des industries d'armement canadiennes, c'est-à-dire des gens qui ont lourdement intérêt à ce que la stratégie industrielle du gouvernement fédéral se transforme pour mettre la place du militaire au centre. Les dépenses militaires, c'est pas juste des soldats, c'est pas juste des missions, c'est pas juste des opérations militaires, c'est aussi l'encouragement d'une industrie économique. Hein. Des fois, on peut choisir. Hein. Le gouvernement actuel privilégie, on parle beaucoup comment il privilégie le développement des sables bitumineux de l'Alberta, mais un autre leg qu'on a actuellement du présent gouvernement, c'est d'essayer de remettre au centre, ou de mettre au centre un peu, en suivant beaucoup le modèle américain là-dessus, mettre au centre du tissu industriel canadien, la place d'une industrie militaire forte comme stratégie de relance, comme stratégie de croissance économique. Je ne peux pas faire autrement que d'évoquer le fameux dépassement des coûts dans le dossier de remplacement des avions de chasse, là, les CF-18 par le modèle F-35. Est-ce que c'est un cas particulier ou si c'est général? J'ai généralisé ce fait là, de dépasser les prévisions de dépenses militaires. Écoutez, là-dessus, le gouvernement parle pour moi. Ce qui est intéressant, on a vu une semaine ou deux avant le dépôt du dernier budget fédéral, on a appris que le ministère de la Défense nationale était mis sous une quasi-tutelle. Donc, même le gouvernement Harper, qui a été plutôt dans ses premières années un gouvernement qui avait comme ligne directrice en matière de défense nationale de donner tout ce qu'il voulait aux militaires, même aujourd'hui, ce gouvernement très pro-armé, pour le dire comme ça, commence à avoir des doutes à cause, justement, le cas du remplacement des F-18 par les F-35 est patent pour ça. Comment, même ça fait maintenant près de 10 ans qu'on en parle, il n'y a pas de commande ferme, il n'y a pas de projet. En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression que en termes d'achat d'équipement, même chose pour les navires militaires, même chose pour le remplacement des véhicules de transport de troupes, le ministère de la Défense nationale est incapable de mener ses projets à terme. C'est-à-dire, il part du principe, entre le moment de définition du projet et le moment d'arrivée, il y a des questions de dépassement de temps, des questions de dépassement de coûts qui font en sorte que non, c'est malheureusement pas limité aux questions des avions de chasse, mais ça semble être une dynamique assez presque normale, en fait, dans la gestion des projets de la Défense nationale. Il y aurait lieu d'une commission d'enquête, peut-être. Oui. Parlons des services correctionnels canadiens maintenant. Il y a un lien entre l'approche punitive du gouvernement Harper et la hausse des dépenses correctionnelles constatées depuis son arrivée au pouvoir, si je comprends bien votre étude. Quel est le lien? Le lien est assez simple, hein? Le gouvernement Harper, pour vraiment simplifier, a une stratégie répressive plutôt simple. Pour contrer le crime, il faut mettre plus de gens plus longtemps en prison pour essayer de dissuader la criminalité. Donc, bien entendu, quand on adopte ce genre de philosophie répressive-là, le résultat, c'est que si on veut mettre plus de gens plus longtemps en prison, c'est qu'on fait augmenter la population carcérale et on fait en sorte que les gens qui sont en prison sortent moins vite parce qu'on restreint les capacités de l'élévation correctionnelle, ce qui met une pression sur le système carcéral, ce qui oblige finalement à la construction, oblige deux choses. Soit on pourrait penser à la construction de nouvelles prisons, ce qui a de nouveaux coûts, mais aussi souvent à la dégradation des conditions de détention, c'est-à-dire de plus en plus des cellules avec deux occupants, de plus en plus, une diminution, globale des services ou la qualité de vie offerte aux prisonniers, parce que aussi, ça fait partie d'une mission répressive. On dit ces gens-là qui ont commis des crimes, on n'a pas à leur donner des conditions de vie dignes, humaines, acceptables. On peut un peu les traiter comme des parias sociales. Donc, on n'a pas à dépenser pour... Malgré tout ça, il y a des conséquences assez directes au strict plan budgétaire. On voit le budget du service correctionnel canadien a doublé durant ces dernières années à cause, effectivement, et ça paradoxalement, au même moment où le taux de crime au Canada est en diminution, le budget du service correctionnel augmente. Hein, on parle d'une diminution des fois, tout dépendant des évaluations, mais de 10, 15, 20 ou 25 du taux de crime au Canada. Mais on a doublé le budget du service correctionnel. Donc, en fait, il y a vraiment là une absence de corrélation entre la situation concrète, disons, de la criminalité au Canada et la stratégie mise en place par le gouvernement fédéral actuellement. Oui, puis dans le cas du Québec, ça va même à l'encontre de la philosophie qu'on souhaite avoir. Tout à fait, c'est une philosophie à la fois plus humaine, pour dire ça simplement, mais qui ultimement aussi coûte beaucoup moins cher au gouvernement. Là-dessus, que ce soit dans la prévention du crime ou même la prévention des maladies dans les questions socio-sanitaires, les démarches qui mettent en place la prévention, oui, effectivement, c'est difficile. On a toujours l'impression qu'il n'y a pas de résultats concrets qui y sont liés, mais c'est parce que s'il empêche des problèmes sociaux d'advenir, ce qui au final est à la fois la meilleure solution socialement, mais aussi d'un point de vue financier, bien entendu. Oui, on va devoir accélérer. Il y avait aussi le service de renseignement de sécurité, la GRC. Les gens pourront peut-être aller lire votre étude. Mais qu'est-ce qui vous permet de parler de dérive? Mais en fait, on le voit avec vos propos, là, on parle vraiment d'une dérive sécuritaire. Ben, en fait, parce que ça devient la priorité numéro un du gouvernement, une priorité qui n'est pas basée sur une évaluation scientifique, si je peux dire, d'une situation. On le voit dans le domaine du militaire, une augmentation des dépenses quand, pourtant, on voit une diminution de la place du Canada sur la scène internationale, parce qu'il n'y a pas une évaluation des besoins militaires du Canadien, c'est plutôt une affirmation politique. Nous voulons une armée plus forte. Et quand on pose la question pourquoi, c'est parce que c'est une question d'honneur national. Oui. La même chose au niveau du crime. On met en place une politique répressive au niveau de la criminalité. On dit, mais pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'il y a plus de crimes? Est-ce qu'il y a plus de crimes violents? Est-ce qu'il y a plus d'insécurité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie ce virage répressif? La réponse est non, parce que, et là, même les différents ministres le disent, fascinant de l'entendre. Des fois, on entend des ministres conservateurs dire qu'eux, ils sont pas là pour gouverner selon les dernières données scientifiques, mais pour répondre aux besoins de la population. Et le besoin de leur noyau électoral, c'est de mettre en place des politiques répressives, parce que c'est la philosophie conservatrice qui veut ça. Donc, on a vraiment une espèce d'obscurantisme, en fait, où est-ce qu'on nie on balaie du revers de la main ce qui serait des données probantes pour orienter des politiques gouvernementales, et on plaque sur la réalité, en fait, une vision idéologique, c'est-à-dire il faut plus de police, plus de soldats, plus de répression. Oui, comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné au passage aussi, en même temps, on réduit les dépenses dans le domaine scientifique, là, les dépenses pour aller chercher des données, des informations probantes qui nous permettraient d'avoir des politiques publiques. Oui, mais c'est ça, et ça, c'est ça qui est fascinant de voir. On voit que les conservateurs disent, puisque les données scientifiques contredisent notre vision idéologique, arrêtons de donner des moyens aux scientifiques de nous contredire, coupons leur fonds à la source, et on va pouvoir faire le travail comme on veut. Grosso modo, si je vulgarise un peu la pensée du gouvernement en matière de financement d'une recherche indépendante, crédible, autonome, on voit où ne serait-ce que donner à Statistique Canada les moyens de faire ce que Statistique Canada fait d'avant, c'est-à-dire un très bon travail de collecte de données et d'interprétation, puisque la réalité statistique ne correspond pas à leur vision idéologique, ils ont fait un choix très simple, privilégier la vision idéologique au détriment de la réalité, finalement. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Hurtault. J'invite les gens à se rendre sur votre site. C'est Iris. Rappelez-nous le. www.iris-recherche.qc.ca. Merci. À une prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Philippe Hurtault, chercheur à l'IRIS. On va rapidement écouter une chanson qui s'intitule « Indignez-vous » de HK et les Saltimbanques. Et ensuite, je vais m'entretenir avec David Maxime. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voix pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Bourneval. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. Magnifique chanson de HK et les Saltimbanques qui fait référence à Stephen Hessel qui est décédé en 2013, qui a écrit « Indignez-vous », un essai qui a fait un bon bout de chemin, n'est-ce pas, David Maxime? Oui, bien sûr. David Maxime. D'ailleurs, c'était l'anniversaire du décès de Stephen Hessel cette semaine. Ah bon? Jeudi. Ah, ça tombe bien. En fait, Stéphane Hessel qui dit que l'indignation est le ferment de l'esprit de résistance, et c'est un peu ce qu'on voit à Nantes en ce moment, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, il y a notre consoeur Attaque France qui a émis un communiqué cette semaine réaffirmant son appui aux opposants à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Ça fait déjà 2 ans que ça grouille beaucoup dans ce coin-là. C'est un aéroport qui est jugé comme arriéré, anti-environnemental, qui bétonne de grands espaces verts, de forêts, de zones humides et de zones agricoles aussi. OK. Donc c'est alors, il y a vraiment... les gens ne veulent pas de cette terre. Ben en fait, récemment, il y a un sondage qui est paru et il y aurait 24% d'appui dans la population. Seulement 24%. Ouais. Oui. C'est ça. Je vous fais un petit topo que j'ai. Oui. Alors, jeudi dernier, l'Association française pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque France a tenu à réitérer son appui aux opposants à la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes près de Nantes, au Pays de la Loire, en France. Cet appui vient se joindre aux nombreux autres opposants désirant renforcer la situation, la solidarité dont font preuve les 27 comités impliqués depuis plus de 2 ans contre cet aéroport-là, qui est un souhait du premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui vient aussi de la région. On l'appelle l'aéroport. Exactement, oui. Récemment, il y a eu une vague de renouvellement de solidarité pour la lutte contre ce grand projet inutile et imposé, qu'on appelle communément un GPII. C'est que il y a eu une grande manifestation samedi dernier, le 22, pendant qu'on tenait notre émission ici en plus, qui a réuni entre 50 000 et 60 000 personnes qui venaient d'un peu partout en France. Il y a eu 60 autocars, une soixantaine d'autocars qui se sont rendus à Nantes pour... Ah, ça rappelle les grandes manifestations du printemps érable. Oui, oui, oui. Oui. Puis c'est même en France, pour un sujet environnemental, c'est rare. C'est rare. Puis il y avait même 520 tracteurs de ferme sur les lieux aussi. Le monde agricole est vraiment furie. Oui, puis depuis depuis deux ans, les paysans et fermiers agriculteurs de la région sont très impliqués aussi sur les lieux. Et le vandalisme, la casse, la violence, les affrontements, on a connu ça ici. C'est ce qui attire surtout l'attention des médias, c'est ça que je comprends. Oui, mais c'est ça. C'est souvent un peu un dialogue de sourds, parce que, à quelque part, quand on organise une manifestation, on la souhaite pas, mais en même temps, on peut pas ignorer que ça peut arriver, et que la colère, elle est légitime de toute façon. Puis, d'ailleurs, les opposants ont réaffirmé leur appui à des tactiques d'action directe et de désobéissance civile, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et de toute façon, le moyen principal employé pour contrer la construction de l'aéroport, c'est une occupation de lieu. Et c'est une grande zone, là. Imaginez la grandeur d'un aéroport international comme on est ici à Jean-Lesage. C'est vraiment des grands espaces, plusieurs kilomètres de distance. Et en fait, on pourrait faire le parallèle avec Mirabel, où on avait exproprié de nombreuses fermes. Oui, et il y avait eu une certaine résistance aussi. Ce qui arrive avec Notre-Dame-des-Landes, c'est que il y a des bâtiments qui ont été détruits pour faire place aux aménagements de l'aéroport. Mais il y a aussi les opposants qui ont reconstruit des bâtiments. Il y a même le bâtiment principal où on tient la plupart des activités culturelles, qui est une petite ferme qu'on appelle la vacherie. Ouais. Ils ont donné des noms comme ça à différents endroits. C'est là qu'on a tenu justement la conférence de presse mercredi dernier, avec les 27 comités qui sont impliqués là-bas. David Maxime, oui. On va devoir se laisser parce qu'il faut laisser la place à nos commanditaires. On va suivre ça de très près. Là. C'est quand même, comme vous le dites, c'est quand même exceptionnel qu'une manifestation de cette envergure, une mobilisation de cette envergure pour des questions environnementales. C'est oui. ce que j'en comprends. Mais pas juste environnemental, c'est que économiquement parlant, c'est très douteux la façon que ça a été monté. Merci beaucoup, David Maxime. Je vous en prie. Sébastien Carata, t'habites chez mes parents. Je t'en homme, mais c'est ta parent. Carata, qui s'accroche chez mes parents. En dehors de la maison familiale, de peur, c'est au chalet. 89.1. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Papa, on s'est démaquillé. On a mis du fort sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné. On a mis la mort à nos trousses. Faites un don pré-Radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25$ avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-Radioton ou le prix membership d'une valeur de 150$. Adhérez ou faites un don en téléphonant au 418-640-2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée. Soyez au fait des sorties cinéma et DVD à Québec. Écoutez chaque jeudi matin à l'émission Les Matins éphémères, les critiques et suggestions des nouveautés cinématographiques avec Pierre Blais. Cette chronique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. En mars, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Du 1er au 9 mars, la troisième édition du Festival de cinéma pour enfants de Québec. Le 2 mars, le programme Kino Québec. Le 9 mars, l'Opéra national de Paris, Ipuritanie. Les 15 et 16 mars, le Festival du film étudiant de Québec 2014. Le 19 mars, les aventuriers voyageurs, l'Islande. Les 20 et 30 mars, l'Opéra national de Paris, La Belle au bois dormant. Offrez-vous le rire et le suspense et procurez-vous la carte d'abonnement de 9 films au prix avantageux de $70.95. Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Tea & Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Oh, Ava, je sais, tu sors encore ce soir. Ces draps t'attendront dans le noir plus fort qu'hier. Tu crées l'envie sur ton passage. Tu hurles sous tes airs de Paname. Madame, tu aimes... Nous sommes de retour avec cette, après cette petite intervalle musicale. Bonjour Cédric, ça va bien? Oui, bonjour Michel, ça va bien et toi? Oui, ça va bien, oui, tout à fait. Je veux juste avant signaler à nos auditeurs qu'ils peuvent en tout temps devenir membres de CKRL. Tu sais, Cédric, c'est le Radioton bientôt, c'est le Radioton 2014 de CKRL. C'est le Radioton les 4, 5 et 6 avril. Alors, si les gens veulent faire un don, là, ils peuvent faire un don pré-Radioton, ils peuvent renouveler leur carte de membre, ils peuvent... faire un don tout simplement de 20 $ ou plus. Il se rend sur le site, il y a un bouton PayPal et c'est très simple, c'est très facile maintenant. Et en plus, s'ils font leur geste de soutien avant le 4 avril 17h, ils pourraient gagner le prix spécial, le don du Radioton, c'est 150 $ au pédalier, ou le prix spécial membership, c'est 150 $ chez Sillon le disquaire. Voilà, Cédric, on va parler cette semaine de l'Ukraine. L'Ukraine qui vit une semaine extrêmement mouvementée. Encore aujourd'hui, encore ce matin dans les nouvelles, il était question de la Crimée, intervention des troupes russes. Donc, Yanukovych est parti. Là, il est sur le bord de la frontière. Il souhaite revenir. Donc, sous la pression de la Russie, sur le fond de tension entre la Russie et l'Union européenne, ça va pas bien. Non, effectivement, c'était un peu difficile de passer à côté de ce sujet-là, évidemment, cette semaine. Mais c'est difficile aussi, en tout cas ici en Europe. Hein, je ne sais pas trop comment c'est présenté chez vous, mais en Europe, la façon dont les choses sont présentées, en tout cas dans les grands médias, c'est très difficile d'avoir une idée un peu claire de ce qui se passe et des enjeux réels. Parce que ce qu'on nous propose, c'est vraiment une lecture extrêmement manichéenne et assez sensationnaliste des événements, en tout cas au moment des manifestations. Et puis Il y a David Maxime qui me fait signe que oui de la main, là. Oui, ouais, c'est pareil ici. Oui, c'est pareil ici. D'accord, c'est pareil chez vous. Ben, on pouvait s'en douter, mais effectivement, c'est assez dérangeant. Et donc, du coup, on nous propose vraiment une lecture binaire entre gentils manifestants ou en tout cas gentils camps pro-européens et méchants camps dictatorial pro-russes. Alors, je prétends pas être un expert personnellement de l'Ukraine et j'ai encore un peu de mal à bien faire la part des choses dans cette histoire-là, mais ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quelques éléments qui m'apparaissent quand même importants pour avoir une meilleure compréhension, en tout cas plus nuancée de ce qui se passe et qu'on oublie généralement d'évoquer, en tout cas ici. peut-être au départ revoir ce qui s'est produit, peut-être faire un retour sur ce qui s'est produit en Ukraine dans un premier temps pour bien comprendre la situation. Oui, tout à fait. Il faut se souvenir que tout a démarré au mois de novembre dernier, en fait. Ce qui a déclenché tous ces événements-là, c'est le refus soudain de la part du gouvernement Yanukovych, du président Yanukovych, de conclure un accord d'association qui était en cours de négociation depuis un petit moment avec l'Union européenne. Dire qu'on se bat contre ça ici au Québec, excuse-moi Cédric. Oui. Je veux dire qu'on se bat contre ça ici au Québec, l'association. Oui, exactement. On se bat contre le même genre d'accord. Donc, normalement, les auditeurs du Grain de Sable doivent avoir une vague idée de ce que ça entraîne comme conséquence. Oui. Et donc, Yanukovych a refusé, mais sous pression de la Russie, hein, qui refusait catégoriquement que l'Ukraine entre dans ce type d'accord-là et lui échappe donc de sa zone d'influence. Il faut savoir que l'Ukraine est vraiment tiraillée depuis très longtemps, hein, depuis au moins la fin de la guerre froide entre la Russie et l'Europe. Ce qu'on a appelé la Révolution Orange en 2004, c'était déjà en très grande partie structuré autour de cette opposition entre pro-Europe et pro-Russie. Et récemment, c'est le clan pro-russe incarné par Yanukovych qui avait repris la main, notamment en raison des dissensions et des affaires de corruption, etc., internes au clan pro-occidental qui avait émergé à la suite de la Révolution Orange de 2004. Mais du coup, les tensions restaient latentes et la décision de Yanukovych est vraiment très mal passée. En tout cas dans les régions plus favorables à un rapprochement avec l'Union européenne, c'est-à-dire à l'ouest du pays et à Kiev, qui a concentré vraiment l'opposition ces dernières semaines. Donc ça a mené, cette décision de rompre les négociations avec l'Union européenne, a mené à une occupation de la place Maïdan à Kiev, et s'en est suivi un cycle de répression extrêmement féroce de la part de Yanukovych, de radicalisation de la part des manifestants, qui se sont progressivement ont eu recours aussi à la violence de manière parfois très extrême de leur côté aussi. Et ça a fini par mener, après quand même plus d'une centaine de morts dont il faudra établir les responsabilités, à la destitution d'Yanukovych par le Parlement. Il a été lâché par pas mal de personnes de son propre bord. Il a fui à l'Est, comme tu dis. Maintenant, il voudrait revenir. On ne sait pas trop ce qui va se passer exactement. Et maintenant, l'apparition de tensions militaires avec la Russie. Hein, c'est les derniers développements en date qui sont assez inquiétants. Tu l'as évoqué en Crimée, qui est donc une région autonome au sein de l'Ukraine, mais qui est sous contrôle militaire russe, en fait, parce qu'au moment où l'Ukraine a obtenu son indépendance à la chute de l'Union soviétique, la Russie a obtenu que la Crimée se voit accorder un statut particulier, et elle a réussi à maintenir une base russe à Sébastopol en particulier, donc c'est un peu ça qui est l'enjeu pour l'instant. Il y avait eu un référendum, je crois, en Crimée, hein, pour pour rester dans l'Ukraine. C'est possible, oui, tout à fait. Parce que la majorité de la population est pro-russe, en fait. C'est ça. Oui, c'est ce qui rend les choses tellement complexes. C'est compliqué. Il y a les groupes d'extrême droite. Tu parlais tantôt de manichéisme. Ici, en tout cas, on laisse entendre que ce seraient des groupes d'extrême droite qui manipuleraient tout ça. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Ben en Ukraine, oui, c'est ça qui est assez dérangeant. Chez nous, si tu veux, on a eu une présentation des manifestants comme des gentils manifestants pro-européens, et donc pro-européen veut dire pro-démocratique. Malheureusement, quand on regarde un petit peu plus en détail, il y avait effectivement une présence assez ostentatoire et influente de au moins deux groupes d'extrême droite connus. Et c'est un des enjeux de ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire, c'est pas uniquement une lecture entre pro-démocratie, pro-liberté qu'on associerait à l'Union européenne, ce qui est quand même déjà une lecture qu'il faudra un peu nuancer selon moi. Il y a aussi une question identitaire. Il y a les personnes qui veulent utiliser un rapprochement avec l'Union européenne pour se défaire de l'influence russe et notamment l'influence culturelle et revendiquer une identité ukrainienne à part entière. Et ça, évidemment, c'est tout à fait légitime en soi, mais il y a certains groupes d'extrême droite qui le revendiquent d'une manière particulièrement radicale et en référence avec la période nazie assez explicite. Donc, effectivement, pour moi, il y a quand même une part des choses à faire. Il y a un article très intéressant là-dessus dans le Monde diplomatique de ce mois-ci que je vous conseille sur la présence, justement, et sur le rôle joué par l'extrême droite dans ce soulèvement en Ukraine. Oui, on pourra le mettre sur notre blog. L'article en question, c'est un peu complexe parce que la culture ukrainienne, quand même, la langue ukrainienne est assez proche du russe, si je comprends bien. Et le russe est quand même assez présent en Ukraine aussi. La couverture médiatique, peux-tu nous parler de la couverture médiatique? Oui, tout à fait. Ce que je disais, pour moi, c'est vraiment caractérisé par un manichéisme, un sensationnalisme assez déroutant et qui empêche de s'informer convenablement. Bon, on est habitué, hein, c'est pas vraiment une surprise, mais il y a plusieurs choses qui se lient. Pour moi, d'une part, le côté sensationnaliste, il s'explique notamment par la course à l'audience, hein, qui caractérise les grands médias maintenant, et donc il cherche à émouvoir, en fait, le téléspectateur plutôt qu'à l'informer, pour capter son attention et pour susciter rester son intérêt constant. Donc même un événement qui est éminemment politique, qui a vraiment, dont il faut comprendre les tenants et aboutissants historiques, culturels, politiques, ben c'est traité comme un film d'action, quoi, avec simplement ses héros, ses victimes, ses méchants, ses martyrs. Et donc on vise à susciter tantôt la colère pour tel personnage, tantôt la compassion pour telle autre victime, etc. Mais ça empêche, d'après moi, de vraiment avoir une compréhension beaucoup plus profonde et nuancée des motifs politiques de chacun des acteurs qui sont impliqués, des véritables enjeux de l'histoire des protagonistes, évidemment. Et de pouvoir comprendre du coup les contradictions qui sont inhérentes à tout phénomène politique. Donc par exemple ce que j'ai évoqué au niveau des revendications qui peuvent être contradictoires au sein même des manifestants. Alors après sur le côté manichéen, là aussi moi je trouve ça toujours frappant de voir comment les médias dominants épousent les lectures politiques du camp auquel ils appartiennent. Donc forcément on est en Europe, on va adopter le point de vue européen dans les médias. Et en gros, l'interprétation dominante qui nous a été donnée des manifestations, c'est que l'Europe étant synonyme de liberté, de démocratie et de prospérité, les manifestants s'étant battus pour l'Europe, eh bien les manifestants se sont battus pour la liberté et la démocratie. Et il n'y a pas eu une once d'esprit critique et de tentative d'un peu aller voir concrètement qu'est-ce qu'ils revendiquaient, pourquoi et quel était le rôle de l'Europe joué là-dedans. Et pour moi, c'est particulièrement problématique. C'est vrai que, pour reprendre, quand on connaît bien le bilan récent de l'Union européenne, on est surpris d'avoir brandi comme idéal par les manifestants ukrainiens cette idée, cette Union européenne. Oui, tout à fait. Bon, les auditeurs du Grain de Sable sont assez familiers avec ces choses-là. On en a assez souvent parlé, mais on peut quand même rappeler que ce soit depuis la crise économique et financière et même avant, l'Union européenne a quand même toujours affiché une conception assez particulière de la démocratie. On a vu récemment la mise sous tutelle de pays entiers, que ce soit la Grèce, le Portugal, l'Irlande, par des institutions qui sont pas élues, donc la Commission européenne n'est pas élue, la Banque centrale européenne, et qui impose dans ces pays-là des austérités absolument sauvages aux conséquences catastrophiques. L'Union européenne promeut l'adoption de traités qui essayent de couler cette austérité-là dans le marbre constitutionnel de chaque État, donc ça viserait à faire en sorte que l'austérité ne soit plus débattable démocratiquement par les parlements nationaux, ce qui est quand même aussi lourd de conséquences au niveau démocratique. Et puis on a aussi la fâcheuse habitude des élites européennes à passer outre les référendums populaires qui donnent pas les résultats espérés. On a eu le cas de la France en 2005 et le cas de l'Irlande, surtout en 2009, à qui on a demandé de revoter une deuxième fois parce que la première fois, elle avait le culot de voter non et on lui a demandé non, ça c'était pas le bon résultat, revote une deuxième fois et t'as intérêt à voter oui. Et donc de fait, ils ont voté oui sous des pressions considérables. Ouais. Donc quand on voit ça, et quand on voit qu'au sein même de l'Europe, l'euroscepticisme, c'est-à-dire le scepticisme vis-à-vis du projet européen tel qu'il s'est développé, n'arrête pas de croître, il me semble que la moindre des choses de la part des médias, quand ils voient des manifestations pro-européennes, c'est de les prendre avec des pincettes, et en tout cas, l'affirmation selon laquelle manifester pour l'Europe, c'est manifester pour la démocratie, la prospérité, etc., ça doit être pris avec beaucoup de circonscription. D'ailleurs, je vais de nouveau citer le Monde diplomatique, ils avaient fait un article en décembre, au moment où la crise ukrainienne était en train d'éclater, et il rappelait que l'accord d'association qui a tout fait éclater avec l'Ukraine, il faisait partie d'un plan plus large d'européanisation et de stabilisation du voisinage est-européen de la part de l'Union, et l'Ukraine était vraiment considérée comme une pièce clé. Et dans ce cadre-là, selon l'aveu même d'un diplomate occidental qui est en poste à Kiev, il disait, là je le cite, ce sont ses propres mots, « L'incorporation de l'acquis communautaire et l'ouverture des marchés qu'on demande à l'Ukraine serait bien plus avantageuse pour les investisseurs européens que pour les entrepreneurs ukrainiens. » Donc ça en dit quand même assez long sur l'altruisme, avec beaucoup de guillemets, des Européens dans l'histoire qui est en train de se jouer là-bas en Ukraine. Et s'il fallait encore s'en convaincre, on voit bien qu'ils essayent, les événements qui sont précipités et qu'ils ont un peu pris de court, ils essayent quand même de ménager la Russie, ou en tout cas d'essayer à tout prix de ne pas devoir, eux, supporter le sauvetage financier de l'Ukraine, qui est dans une situation économique catastrophique, et qui, si elle n'obtient pas un prêt très très vite, est tout simplement au bord du défaut de paiement, quoi. Oui, il y aurait toute une émission à faire sur le jeu des multinationales, effectivement, qui mène, en tout cas. Le fait que l'Union européenne ne soit pas à la hauteur de l'idéal qu'on lui prête, ça ne peut pas forcément dire que les manifestants n'y croient pas. Oui, effectivement, et on peut se dire que les manifestants avaient simplement une vision tronquée de l'Union européenne, mais que leurs intentions restaient finalement nobles et tout à fait légitimes, ce qui permettrait du coup de rester dans le cadre, l'interprétation manichéenne que j'ai essayé de dénoncer tantôt avec plusieurs arguments. On l'a déjà évoqué, la réalité est beaucoup plus plus complexe que ça. D'abord, on n'a pas arrêté de parler du peuple ukrainien comme s'il y avait un seul peuple ukrainien. Or, les manifestations sont surtout intervenues à l'Ouest, qui est pro-européen, effectivement. Mais à l'Est, il y en a beaucoup qui maintenant contre-manifestent et qui revendiquent plutôt un attachement à la Russie. Pour eux, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État. Alors, je suis pas en train de valider cette interprétation-là et j'ai aucune sympathie pour Yanukovych, qui était une crapule et qui, selon moi, mérite d'être jugé. Mais ce que je veux dire, c'est que simplement, il y a deux versions à cette histoire-là. Et chacune d'elles peut avoir sa part de vérité. Donc, il ne faut pas essayer de simplifier tout à outrance. Bon, j'ai parlé notamment du fait que, effectivement, le rejet d'un régime autoritaire et corrompu a constitué une dimension bien réelle et très importante des événements. Il ne faut pas les y réduire non plus. Il y a la dimension géopolitique qui est très importante, le jeu du camp occidental contre la Russie et la façon dont ces deux grandes puissances ou ces deux camps instrumentalisent la crise ukrainienne est très important. Et puis il y a aussi la question identitaire que j'ai déjà évoquée, qui fait que les affrontements en cours sont aussi une manière d'essayer d'imposer une version de l'identité ukrainienne, russe ou plutôt ukrainienne, nationaliste, voire ultranationaliste, quand ce sont des groupes d'extrême droite qui s'en emparent. Donc là aussi, je pense qu'il faut quand même nuancer un petit peu l'analyse qui peut être faite, quoi. Ouais, juste ouvrir une parenthèse, puis il y a Michael aussi qui voulait intervenir. On a vu les images, des gens, l'ébahissement des gens quand ils sont entrés dans le palais présidentiel, c'est absolument incroyable. Oui, Michael. Ben, Cédric a commencé à en parler vers la fin, là, du fait que le point de vue du citoyen sur les rues qui manifeste, et là je parle pas de l'extrême droite, là, mais monsieur et madame tout le monde qui décident de se révolter, effectivement faut pas retirer leur légitimité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement ils ne parlent pas de l'accord économique, ils ne disent pas non plus que l'Europe est parfaite, souvent ils vont même dire que l'Europe est imparfaite, mais dans les vox pop que j'ai vu, le sujet qui revient souvent, c'est la question de la corruption du système judiciaire. Donc, c'est l'inquiétude principale que j'ai entendu souvent revenir, une certaine écœurite, si on veut, face à un peu d'autoritarisme. En Russie aussi, on a vu que le système judiciaire a pas la cote non plus. Donc, les gens parlent plus de ça. Ils parlent pas beaucoup de la question économique ou autre. Tout à fait. Donc c'est vraiment important d'aller effectivement entendre ce que les gens disent concrètement, parce qu'on nous ressort, en tout cas ici en Europe, de nouveau, je sais pas si c'est à ce point-là chez vous, mais ici, ce qu'on nous ressort en permanence, c'est ils manifestent pour l'Europe, ils manifestent pour intégrer l'Union européenne. Donc c'est une manière indirecte de se jeter des fleurs, de dire, regardez, notre projet qui est en crise considérable depuis plusieurs années, en fait, il est chouette, et il continue d'inspirer des gens, et moi je pense que effectivement, les enjeux ukrainiens sont très loin de refléter ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, Cédric, pour la suite des événements? Écoute, pour la suite, c'est assez difficile de se prononcer, évidemment. On le voit, hein, les événements évoluent au jour le jour. Là, on a cette question de tension militaire et de provocation russe. Donc, ça introduit de nouveau une grosse incertitude dans ce qui va évoluer. Bon, pour moi, il y a quand même plusieurs éléments. Pour moi, il y en a trois, hein, qui sont très importants. D'abord, quelle traduction politique va émerger de ce mouvement-là, qui s'est quand même, il faut le rappeler, largement développé en dehors des partis politiques traditionnels, opposition incluse. Et là, je rejoins ce que Michael a dit. Effectivement, il y a une écœurite aiguë vis-à-vis du système politique et vis-à-vis du système judiciaire ukrainien. Et donc, les partis d'opposition eux-mêmes ont été complètement débordés par la tenue des événements. Et donc, ce qui va être important de voir, c'est quel mouvement politique va émerger de ce qui s'est passé. Est-ce que les partis traditionnels vont réussir à le récupérer, à l'orienter comme ils le veulent? Est-ce qu'il y a des nouveaux partis qui vont émerger? On ne sait pas trop. Et donc ça, pour moi, c'est une donne très importante. Bon, la deuxième, évidemment, c'est comment les deux clans Occident-Russie vont instrumentaliser la situation. Et bon, là, ce qui se passe en Crimée est particulièrement dramatique selon moi et peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et puis le dernier point, c'est évidemment la solution qui va être trouvée aux problèmes financiers de l'Ukraine et avec quelles implications socio-économiques, parce que là l'Ukraine a demandé, le gouvernement de transition a demandé l'aide du FMI qui a donné son accord de principe. Ils viennent d'envoyer une mission d'experts pour analyser la situation et on sait bien que quand le FMI débarque quelque part, c'est rarement annonciateur de bonnes nouvelles. Et je doute très fort que l'Ukraine a envie de se transformer en nouvelle Grèce. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de très près. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ça va faire dans l'intérêt des Ukrainiens. Eh bien, on va surveiller ça, effectivement. On va porter surtout attention à la représentation de ce conflit dans les médias dorénavant. Merci beaucoup, Cédric. On va se dire, on se revoit dans un mois. On va mettre une pièce musicale d'un journaliste en passant, Cédric. Je sais pas si tu l'as entendu en Europe. Il s'appelle Michael Schur. je ne sais pas si je prononce bien son nom, il est ukrainien. C'est un peu Jean-René Dufort de l'Ukraine. Il est à la fois journaliste, comédien. Il avait entre autres, il est entre autres en 2010, il a fait irruption dans le Parlement de l'Ukraine déguisé en lapin pour interviewer les députés. Et c'était sa façon de dire que c'était une véritable farce, le Parlement ukrainien. Alors tu imagines. On va écouter cette chanson où il s'adresse au président Viktor. Oh, j'ai oublié son nom. Yanukovych. Yanukovych, merci beaucoup, David, Maxime. Au revoir, Cédric, et à la prochaine. Oui, au revoir. Але ще раз нагадую, шановне товариство, що сьогодні, 7 грудня, ми святкуємо День Катерини. Народивши в складному світі, тебе любили, ростили, назвали Вітя. Ти ріс на сході, курив на сходах, повз терикони ходив до школи. Ти ріс в компанії вже на стабі, і коли відчув собі сили достатні, ти пішов у вільне життєве плавання, отримав ти знання і навіть визнання. Я розумію, що твої принципи вели тебе сюди, і їх не зрадиш ти. Забити на сім'ю – це позор. Та бізнес твого сина – це перебор. Це гітарний перебор, Віктор! Віктор, це перебор! Це гітарний перебор, Віктор! Віктор, це перебор! Шукати щастя, знайти і тримати Бога за бороду, ногу чи за палець взяти. Ти мріяв, як і всі, вирости, встати, ходити твердо, багато знати. Дитяча мрія збулась нарешті, і шкіри страуса у тебе є мешти. Італійських є костюмів пару, тобі дістались ні звідки, майже на шару. Тепер у тебе є нова машина, затонували, бронювали її відмінно. З дому на роботу, наче метеор, ранковий корок. Це перебор, Віктор! Ми ніколи не сходили рабами у хатерів. І тому це гітарний перебор, Віктор! Віктор, це перебор! Сказати, що Україна є, Україна це... Це гітарний перебор, Віктор! Віктор, це перебор! Ти виріс сильним, ти виріс здоровим, надійним папою, собою, сім'єю гордим. З тобою радяча, тебе всі бояться. З тобою здатися велике щастя. Живеш за містом, там чисто, ясно. Рибалка, полювання, завжди свіже м'ясо. Сховав себе ти за забор. Межигір'я, це перебор, Віктор. Це гітарний перебор, Віктор. Це тележурналіст... Roman Vintoniz, de son vrai nom, en fait, qui se fait passer pour un journaliste ukrainien de la diaspora torontoise, qui, sous le nom de Mikhaïl Chour, en réalité, c'est un journaliste qui a fait carrière en Ukraine, il a même travaillé pour la BBC, il a travaillé pour la radio-télévision ukrainienne, enfin, un peu partout. Un personnage fort intéressant à suivre. On passe maintenant à l'agenda des événements à surveiller cette semaine avec Mikhaïl Lessard. Qu'est-ce qui est à surveiller cette semaine, Mikhaïl? Oui, ben comme toujours, je rappelle qu'il y a littéralement une centaine d'événements et d'activités engagées à Québec à chaque mois. C'est important de le savoir. Vous pouvez voir le tout sur le média en ligne réseauforum.org. On va renommer l'adresse plus tard, là. Donc, en voici seulement quelques-unes. Dimanche, demain, 2 mars, excusez-moi, de 10h à 17h, on a la fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec. Donc, tout plein d'exposants, d'ateliers, conférences pour donner le goût aux gens de cultiver des aliments, mais en ville. Donc, ça, c'est à l'Université Laval, pavillon Desjardins, de 10h à 17h. Ce lundi soir, 3 mars, il y a un cercle de confiance au sujet des Premières Nations. Seront présentes Marie-Émilie Lacroix des Innus et Andisha des Hurons-Wendat. C'est ouvert à tous et à toutes. C'est au Studio P, c'est-à-dire, on pourrait dire aussi la librairie Pantoute, c'est associé, sur la rue Saint-Joseph-Est à 19h15. En fait, c'est tout juste à côté de la librairie Pantoute. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont le même site web, donc c'est vraiment associé. Ensuite, jeudi 6 mars, ce jeudi à 19h30, les femmes parlent de politique. C'est ouvert aux hommes en passant. Donc, on a 5 artistes et féminines et on a le Théâtre de la Souvenance qui font des prestations. Tout ça était au Bistrot du quartier, c'est-à-dire coin boulevard Langelier et Charest. Je dois préciser que c'est organisé par Québec solidaire, Capitale nationale. Donc, 19h30 ce jeudi. Ensuite, toujours le jeudi, 19h30, on a Reconversion de l'économie, utopie ou réalité. Donc ça, c'est avec le théologien Jacques Racine qui va nous proposer, ni plus ni moins, une voie de sortie à l'économie néolibérale mondialisée. Donc, vaste projet. C'est au centre Le Montmartre, c'est-à-dire sur le chemin Saint-Louis. Ensuite, vendredi 7 mars à 12h30, le YWCA, comme la chanson, en tout cas, je chanterai pas aujourd'hui, mais le YWCA Québec vous invite à la conférence « Le féminisme est-il toujours pertinent en 2014? » Donc, ça inclut café, tisane et plus, suivi d'une période d'échange, évidemment. 12h30 à 2h au YWCA, sur l'avenue Hollande. Ouais, enfin, il y a beaucoup de discussions dans les médias sociaux sur le féminisme ces temps-ci. Oui, ben justement, j'arrive au 8 mars. Samedi 8 mars, que j'espère que tout le monde sait que c'est la journée internationale des femmes. Il y a 3 activités à Québec. Ça commence par une grande marche festive à 10h30 qui va débuter à l'église Jacques-Cartier. C'est sur la rue Saint-Joseph, l'église Jacques-Cartier. C'est ouvert aux hommes solidaires. C'est organisé par la coalition régionale de la Marche mondiale des femmes. Donc ça, c'est mixte hommes et femmes pour la marche à 10h30. À midi, il y a un brunch, mais ça c'est pour les femmes, seulement, au club social Victoria. Je ne sais pas si les gens savent c'est où le club social Victoria, mais c'est près de Saint-Roch, voisin du centre de la police, là. En conclusion, le 8 mars, donc la clôture, c'est le cabaret du 8 mars. Ça, c'est au bar Coop L'Agité à 19h. Ça, c'est pour les femmes seulement. Plusieurs prestations de femmes engagées de Québec, hein, Gumboot, Slam Poésie, Fanfare, etc., etc. Et je peux pas toutes les nommer, malheureusement. Ça. Merci beaucoup, oui. Michael. C'est malheureusement la fin de l'émission. On se dit à la semaine prochaine. C'est Michel Monette qui était en compagnie de David Maxime et de Michael cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Il y a Cédric Leterme aussi qui nous parlait depuis la Belgique. Au revoir. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. La Korrigan, une brasserie artisanale qui fait des publicités artisanales. John Corrigan a traversé le boulevard Dorchester avec une idée en tête. Mettre de l'argent dans son parc à maître. C'est à ce moment qu'il a décidé de créer la meilleure bière artisanale à Québec. Née d'une détermination inégalable et d'une immense passion pour le houblon, la Corrigan est l'endroit de prédilection pour les amateurs de bonne bière et de bonne chère. Venez boire votre patrimoine à Grande Gorgée. La Corrigan, 380 rue Dorchester, Québec. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez Arthur l'aventurier en Afrique, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Atelier Académie Cinéma, Atelier de bruitage, Atelier de science avec Martin Carly, Atelier Squeeze, Au bonheur des ogres, Le coq de Saint-Victor, Ernest et Célestine, Évangélion 1, 2 et 3, le film Lego, La légende de Sarila, Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, Mon tonton ce tatoueur tatoué, Oggy et les cafards, L'ours montagne, Le piano magique, programme court-métrage FCEQ 2014, programme Kino Québec, secondaire 5, Vincent et moi. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. le clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. C'est pas tant de prendre des types de personnalités qui sont à vif, mais c'est de prendre des humains à un moment où ils sont à vif, ou de les prendre sur le vif dans leur intériorité ou dans leur pensée profonde, tout ça, tu sais. Pourquoi l'amour s'en va? Moi, je donne ma langue au chat. Pourquoi l'amour éclate? Moi, je donne ma langue au chat. À vif dans la beauté et la musique d'Émile Proulx-Cloutier à Sentier Secret, mardi 4 mars à 10h. Je croise plein de minivans, cercueils remplis d'humains qui en arrachent. 89.1. Avec